Sixième chapitre. Chasse aux côtelettes. Le lendemain, je vis apparaître Vatrin sur les pas de l'aurore. « Avez-vous jamais vu un gardin ?» me dit-il. Vatrin avait la tête tellement montée qu'il avait oublié de me dire « bonjour ni bonsoir ».« Vatrin, lui dis-je, je remarque une chose, c'est que votre brûle-gueule est beaucoup plus court qu'il ne l'a jamais été. » « Je crois bien, » dit Vatrin, « ce gardin de Pritchard me met dans de telles colères que voilà 3 fois que j'en écrase le tuyau de ma pipe entre mes dents, que ma femme a été obligée de l'entortiller avec du fil, sans quoi qu'il me ruinerait en tuyau de pipe, ce vanupier-là. « Entendez-vous, Pritchard, ce que l'on dit de vous ?» fis-je à Pritchard, assis sur le parquet. Pritchard entendait. Mais sans doute ne comprenait-il pas l'importance de l'accusation, car il me regardait de son œil le plus tendre, tout en balayant le parquet avec sa queue. « Ah !» continua Vatrin, « si le général avait eu un chien pareil !»« Qu'aurait-il fait, Vatrin ?» demandai-je. « Nous ferons ce qu'il aurait fait. »« Il aurait !» dit Vatrin, « il aurait !» Et puis s'arrêtant, et réfléchissant, il n'aurait rien fait, continua-t-il, car le général, voyez-vous, c'était la bête du bon Dieu. Eh bien, que ferons-nous, nous, Vatrin ? Le diable m'emporte, si je le sais, dit Vatrin. M'entêter à garder ce gardin-là, il démolira la maison. Vous le rendre ? Je ne veux cependant pas avoir le dernier avec un chien. « C'est humiliant pour un homme, savez-vous » Vatrin avait tellement la tête montée que, pareil au bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans s'en douter, Vatrin, sans le savoir, parlait belge. Je vis qu'il était arrivé au dernier degré de l'exaspération et je résolus de faire une proposition conciliatrice. « Écoutez, Vatrin, lui dis-je, je vais mettre mes souliers de chasse et mes guêtres. Nous allons descendre au Vésiné, nous ferons un tour sur votre garderie et nous verrons bien, à nous deux, si c'est la peine qu'on s'occupe davantage de ce gardin-là, comme vous l'appelez. Je l'appelle par son nom. C'est pas Pritchard qu'il fallait l'appeler, c'est Cartouche, c'est Mandrin, c'est Poulailler, c'est Lartifaille. Vatrin venait de dire les noms des 4 plus grands bandits dont les histoires aventureuses eussent bercé sa jeunesse. « Bah !» dis-je à Vatrin, « continuons de l'appeler Pritchard, allez ! Monsieur Pritchard avait bien aussi son mérite, sans compter qu'il l'a encore. »« Bon !» fit Vatrin, « je dis cela parce que je n'ai pas connu Pritchard et que je connais les autres. » J'appelai Michel. « Michel !» Faites-moi donner mes guêtres et mes souliers de chasse. Nous allons aller voir au Vésiné ce que Pritchard sait faire. Eh bien, dit Michel, monsieur verra qu'il n'en sera pas si mécontent qu'il croit. Michel a toujours eu un faible pour Pritchard. C'est que Michel est tant soit peu braconnier et que Pritchard, comme on le verra plus tard, était un vrai chien de braconnier. Nous descendîmes au Vésiné. Michel tenant Pritchard en laisse, Vatrin et moi devisant, non pas comme Amadis de faits de guerre et d'amour, mais de faits de chasse. Au tournant de la descente, « Regardez donc, Michel, dis-je, comme voilà un chien qui ressemble à Pritchard. Où donc ? Là-bas, sur le pont, à 500 mètres pas en avant de nous. C'est, ma foi, vrai, dit Vatrin. La ressemblance parut si frappante à Michel qu'il regarda derrière lui. Pas plus de Pritchard que sur la main. Pritchard avait coupé délicatement sa laisse avec ses incisives et, par un détour, avait pris les devants. C'était Pritchard qui se pavanait sur le pont du Pec, regardant couler l'eau par les ouvertures du parapet. « Fichtra ! » s'écria Michel. « Bon, dis-je. « Voilà que vous parlez auvergnat, vous. Vatrin, si nous ne savons que faire de Pritchard, nous en ferons un maître de langue. Vous en ferez un vagabond, voilà tout, dit Vatrin, et pas autre chose. Voyez où il va? Tenez, tenez! Vatrin n'incriminez pas Pritchard pour ses bonnes qualités. Vous aurez, croyez-moi, assez à faire avec les mauvaises. Où il va, je vais vous le dire. Il va dire bonjour à mon ami Corrège et lui manger son déjeuner si la servante n'y fait pas attention. En effet, un instant après, Pritchard sortit de la station du Pec, poursuivi par une femme armée d'un balai. Il tenait à la gueule une côtelette qu'il venait de prendre sur le grill. « Monsieur Dumas !» criait la femme. « Monsieur Dumas, arrêtez votre chien !» Nous barrâmes le passage à Pritchard. « Arrêtez ! Arrêtez !» criait la femme. « Ah oui, autant il va lui essayer d'arrêter Boré en levant Auriti !» Pritchard passa entre Michel et moi comme un éclair. « Il paraît, dit Michel, que le gueusard aime la viande saignante. Mouton bêlant, veau saignant, porc pourri, dit sentencieusement Vatrin en suivant des yeux Pritchard qui disparut au tournant de la montée. « Eh bien, dis-je à Vatrin, vous ne savez pas encore s'il rapporte, mais vous savez déjà qu'il emporte. » La femme nous avait rejoints et voulait s'obstiner à la poursuite de Pritchard. « Oh, ma bonne femme, lui dis-je, je crois que vous perdez votre temps. Quand vous rejoindrez Pritchard, si vous le rejoignez, il est probable que la côtelette sera loin. « Vous croyez ? » dit la femme, en s'appuyant sur son balai pour reprendre haleine. « J'en suis sûre. Alors, vous pouvez vous vanter de nourrir là un fier voleur. « Ce matin, ma bonne femme, c'est vous qui le nourrissez, et non pas moi. » C'est-à-dire, c'est moi, c'est Monsieur Corrège. Eh bien, par exemple, qu'est-ce qu'il va dire, Monsieur Corrège? Il va dire ce que disait Michel. Il paraît que Pritchard aime la viande saignante. Oui, mais il ne sera pas content et cela retombera sur moi. Écoutez, je vais le prévenir que je l'emmène déjeuner à la Villa Médicis. C'est égal, s'il continue, il lui arrivera malheur à votre chien. Je ne vous dis que cela, il lui arrivera malheur. » Et elle étendit son balai dans la direction où avait disparu Pritchard. Comme on le voit, rien ne manquait à la prédiction de la sorcière, pas même le balai.